بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في درس الخامس والعشرين 25 question أو plutôt 25 درس عفوا nous sommes toujours en sujet de la foi aux anges et des choses qui sont relatives à l'invisible comme l'auteur va le citer حفظه الله تعالى قال في السؤال الثاني وثلاثين بعد المئة 132e question هل الملائكة يأكلون ويشربون est-ce que les anges mangent et boivent une question que beaucoup de gens se posent sûrement قال في الجواب لا ni ne mange ni ne boive والدليل قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم c'est-à-dire que lorsque les anges sont venus à Ibrahim alayhi salam pour l'avertir qu'ils allaient châtier le peuple de Lot Ibrahim les a accueillis car ils existaient sur l'apparence d'être humain et leur a apporté un veau gras et quand Ibrahim leur a apporté cela ils n'ont pas voulu manger. Et donc Ibrahim en a été effrayé. Car des gens qui viennent de loin en voyage, on leur propose à manger, ils refusent de manger. Cela l'a surpris. Mais il s'agissait d'anges, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas. Surat Hud, verset 70. قَالَ فِي سُوَالَ الثَّالِثُ وَثَلَاثِينُ وَبَعْدِ الْمِيَةِ مَسْمُ الْبَيْتِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ السَّابِعَ وَكَمْ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ Comment se nomme la maison qui se trouve au septième ciel et combien d'anges y entrent quotidiennement. قال هو البيت المعمور ويدخل كل يوم 70000 ملك لا يعودون اليه اخر ما عليهم. Cette maison s'appelle البيت المعمور. البيت المعمور. Et tous les jours, il y entre 70000 anges. Ils y rentrent et ne reviennent plus. Ils rentrent dans cette demeure, ils y font leurs adorations. Quand même, et ils n'y reviennent plus. Donc imaginez-vous combien sont-ils. Et cela est cité dans le hadith de dans le voyage nocturne du Nabi sallallahu alayhi wa sallam selon Anas. Lorsqu'il est monté aux cieux et qu'il a vu le Bayt al-Ma'mour, سأل جبريل ما هذا قال بيت المعمور ثم ذكر هذا. Que Jibril l'a informé, c'est le Bayt al-Ma'mour. Et il y rentre tous les jours 70000 anges qui ne reviennent plus jamais. Non. ثم قال في السؤال الرابع وثلاثين بعد المئة 134e question هل من الملائكة من يعصي الله est-ce que parmi les anges il en est qui désobéissent à Allah سبحانه وتعالى قال لا قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون qui ne désobéissent pas à Allah ce qu'il leur a ordonné et qu'ils font d'accord ils obéissent à ce qu'il leur a été ordonné التحريم l'interdiction verset 6 et ce verset là est une preuve que Iblis n'était pas un ange, car des gens, il y a eu un khilaf dans la masala, même des sahaba, on dit que Iblis était un ange, à la base. Ibn Mas'ud, mathalan, ghayruhu qala hadha. Lakin al-kull marjouh. La réalité, c'est que Iblis était un djinn. Pour preuve, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala par la jalousie et l'orgueil dont il a fait preuve par rapport à Adam. Alors que les anges ne désobéissent pas à Allah, abadan, impossible. Donc cela est parmi les arguments qui démontrent une fois de plus que Iblis n'est pas un ange. Thumma qala fi su'al السادس وثلاثين بعد المئة 136e question هل عدد الملائكة كثير est-ce que les anges sont très nombreux فقال في جواب نعم لا يعصيهم إلا الله ils y sont très nombreux et nul ne peut les dénombrer si ce n'est Allah سبحانه وتعالى والدليل قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو nul ne connaît les troupes de ton Seigneur si ce n'est lui المدثر le revêtu d'un manteau verset 31 et le hadith cité auparavant de la Bayt al-Ma'mour, qu'il y a tous les jours 70000 anges qui rentrent, déjà démontre la chose. Sans compter les anges que nous avons avec nous tous les jours, entre ceux qui écrivent les actes, entre ceux qui nous protègent, entre ceux qui cherchent les assises de zikr, entre ceux qui soutiennent Malak al-Maut lorsqu'ils prennent les âmes, combien d'hommes il y a sur terre et tous les jours, entre ceux qui sont en enfer, entre ceux qui montent les œuvres vers Allah Azza wa Jal pour l'informer, bien qu'il sait déjà ce que nous avons fait, et ainsi de suite. Tant même, combien sont-ils ? Un nombre qui nous est impossible à connaître. Mais Allah Azza wa Jalla le connaît. Ce qui montre encore plus sa grandeur et la grandeur de sa création. Subhanahu wa ta'ala. ثم قال في السؤال السابع وثلاثين بعد المئة 137e question. هل في الملائكة شر ? Est-ce qu'il y a dans les anges du mal ? Est-ce qu'on peut trouver du mal en eux ? قال لا. Sûrement pas. والدليل قوله تعالى بل عباد مكرمون. Mais ils sont des adorateurs, des dévots honorés. Al-Anbiya, les prophètes, verset 26. Et également le verset cité auparavant, qu'ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut que l'adorer et obéir aux ordres. D'ailleurs, nous avons cité auparavant qu'il y avait un khilaf. Est-ce que les anges étaient meilleurs que les hommes? Nous avons dit, selon l'avis qui nous paraissait comme étant le plus juste, chez les savants, après la divergence qu'il y a eu, que les anges sont meilleurs que les hommes et les djinns parmi les croyants, mais évidemment, parce que les koufars sont les pires de la création, donc il n'y a pas besoin de les rentrer dans ce débat, mais qu'ils sont meilleurs dans cette dunya. Mais yom el qiyama, les croyants seront de plus haut rang, car ils auront une rétribution que les anges n'auront pas. Azam. Thumma qala fi su'al athamin wa thalathin ba'd al-mi'a. 138e question. Ayyuhuma khuliqa awwalan, al-jinn am al-ins? Qui a été créé en premier? Le djinn ou bien l'être humain? Qala al-jinn awwalan. Le djinn ont été créés en premier. Wa dalil qawluhu ta'ala ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. Dans le sens où Allah dit que nous avons créé l'homme d'une terre malléable et le djinn, nous l'avons créé avant cela à partir d'un feu ardent. Al-Hijr, verset 26 et 27. Et vous savez tous que l'histoire de la création de Adam, alayhi salam, notre père, lorsque Allah l'a créé, que Iblis était déjà présent. Iblis existait déjà, ce qui prouve que le djinn existe avant les êtres humains. Car Iblis, c'est le père des djinns. Qala fi su'al at-tasi'a wa thalathin ba'd al-mi'a. 139e question. Hal nara al-djinn wa shayatin ala hayatihim? Est-ce que nous pouvons voir les djinns et les shayatin sous leur vraie apparence? Naqul la. Disons que non. Et là, ça touche en fait la question. Je ne sais pas pourquoi l'auteur a dit la différence entre les djinns et les shayatin. Car parmi les êtres humains également, il y a des shayatins. Comme Allah Ta'ala, « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّينَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسُ وَالْجِنِّ » C'est de la sorte que nous avons accordé à chaque prophète des ennemis parmi les shayatins, des hommes et des djinns. Donc, les shayatins humains, on les voit sous leur apparence, ce sont des êtres humains. Celui qu'on ne voit pas, c'est le djinn. Qu'il soit un croyant ou un shaytan, on ne le voit pas. Donc le fait d'avoir dit « shayatin » comme ça, sans préciser, sûrement que l'auteur a dû avoir oublié, avoir omis cela, ou peut-être qu'il y a une chose qui m'a échappé. Allahu ta'ala alam. En tout cas, bihasb ma yadhhar li, que les shayatins des êtres humains, on les voit. Et ils sont très nombreux. Quoi qu'il en soit, les djinns, on ne les voit pas. D'accord? Sur leur vraie apparence. Wa dalil qawlu ta'ala innahu yarakum wa qabiluhum haythu la tarawnahum. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les djinns, un iblis, alors que lui, ainsi que son clan, vous voit. D'accord? Les shayatins, on peut les voir s'ils prennent une apparence humaine, ou ils peuvent avoir l'apparence de serpent, ou de chien noir, par exemple, et autre que cela. Mais leur apparence d'origine, car ils ont été créés à partir de feu, on ne peut les voir. On ne peut les voir. Mais si on les voit, c'est une chose qu'Allah nous a permis de les voir sous une autre que leur apparence. Pourtant, il y a un khilaf par rapport à cela. Il y a été cité une parole de Shafi'i que lui, il voit que cela est faisable. Cela est réalisable qu'on puisse voir les shayatins sous leur apparence. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Et ça, ce verset, c'est dans les A'raf, verset 27. Qala fi su'al 40 ba'd al-mi'a, hal nakhaf min al-jinn wa shayatin? Est-ce que nous avons peur des djinns et des shayatins? Naqul la. Innama nakhaf min Allah wahda. Nous n'avons peur que d'Allah seul. Et là, on parle de la peur. Quelle peur? La peur qui est interdite, qui nous pousse à commettre des interdits ou à tomber dans le shirk ou les zalika. Ah, mais la peur naturelle, on peut l'avoir. On peut avoir peur d'un djinn, par exemple, on sait qu'il y a un djinn qui peut te faire du mal, il peut te frapper, il peut te violenter, il peut te nuire. Tu peux avoir une peur de lui, une peur naturelle, comme tu aurais peur d'un ennemi, comme tu aurais peur d'un lion, comme tu aurais peur d'un être humain qui a une certaine supériorité par rapport à toi, du fait que c'est un homme dangereux. D'accord? Qui n'a pas de limite, qui est capable de te faire beaucoup de mal. Ça, c'est une peur qui est naturelle, celle-ci est permise. Lui, il vise la peur cachée, celle qui amène également à commettre des désobéissances. Celle-ci, on ne doit pas avoir peur d'eux. Car elles ne peuvent nous nuire que si Allah Azzawajal l'a permis. Wa dalil qawluhu ta'ala allazina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Ceux qui retransmettent le message d'Allah et qui ne craignent que Allah et ne craignent personne d'autre en dehors d'Allah. Et Allah suffit comme comptable. Al-Ahzab, verset 39. Et comme encore l'Ta'ala également, l'auteur n'a pas cité. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَوْفُهُمْ وَخَوْفُونِينَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. C'est là que Shaitan qui vous fait peur avec ses alliés, donc n'ayez pas peur de lui et peur de moi si vous êtes croyant. Et là, il s'agit de quelle peur? De la peur qu'il n'est pas qu'on ne craint que d'une chose que seul Allah peut nous faire si bien. طيب فنقف هنا اليوم والحمد لله رب العالمين.